بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. Donc ce samedi 14 novembre à Médine, à 18h30, j'ai appelé notre noble cheikh Obeid ibn Abdullah al-Jabiri hafizahullah ta'ala au sujet des attentats survenus à Paris. Donc cheikh a répondu hafizahullah ta'ala s'être souvenu d'avoir répondu à nos questions lors des événements concernant Charlie Hebdo, et que sa réponse ici sera similaire. J'ai donc expliqué qu'il s'agissait de plusieurs attentats dans la capitale française, faisant un très grand nombre de morts, en mentionnant un chiffre approximatif. Et Cheikh, qu'Allah le préserve et le récompense, répondit qu'il fallait utiliser tous les moyens de communication possibles en collaboration avec toutes les instances françaises concernées afin de montrer l'innocence de l'islam et de la salafia. Face bien sûr à ces actes barbares, ils font donc aborder les responsables de la sécurité ainsi que les médias pour innocenter l'islam de ses actes. Nous devons, à travers nos communiqués, mettre en garde contre ces trois groupes terroristes tels que Daesh et Al-Qaïda et Jabhat al-Nusra. Il y a aussi une question, car certains frères vivent au cœur dû aux des quartiers où se sont déroulés ces attentats. Et ces personnes-là demandent, est-ce qu'il leur est permis de prier chez eux, donc, vu le caractère donc d'insécurité dont les frères vivent actuellement. Donc Chir a répondu que, avant tout, les responsables religieux doivent se rapprocher des autorités compétentes, police, mairie, afin de mesurer l'ampleur de l'insécurité envers nos frères et sœurs. Et si ce fait est avéré, dans ce cas, il est permis de prier à la maison ou bien à la mosquée la plus proche du lieu d'habitation. Et en ce qui concerne les plus vulnérables, comme nos filles, mon conseil est qu'elles demeurent chez elles et ne sortent qu'accompagnées ou en cas de nécessité. Les salafis de façon générale, et en particulier ceux qui ont autorité, comme les imams, responsables religieux ou prêcheurs, se doivent d'être unis autour d'une seule parole face à ces actes odieux et cette situation, et doivent par tous les moyens possibles se rapprocher des autorités compétentes, afin de clarifier et montrer l'innocence de l'islam et de la salafia face à ces actes barbares. Sa parole est terminée. Hafizahullah ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.